Abrégé du Capital de Karl Marx par Carlo Cafiero, 1879. Ouvrage tombé dans le domaine public. Cafiero était un anarchiste qui avait participé à la première internationale en Suisse. Cet événement avait marqué la séparation entre les anarchistes, derrière Bakounine, des communistes, derrière Marx. Pourtant, il a semblé important pour Cafiero de réaliser un résumé du livre 1 de Marx. D'abord parce qu'à l'époque, le Capital n'avait pas eu de traduction en italien. Il y avait une édition en allemand, une édition en français et une édition en anglais, qui sont les éditions sur lesquelles Cafiero a travaillé pour sa traduction. Et aussi parce que le Capital, il faut le dire, est complètement illisible. C'est assez aride, c'est assez âpre, c'est un travail de sociologie et d'économie avant tout. Donc Cafiero se propose de donner corps à travers une petite histoire tout au long du livre. Il est à noter dans le chapitre 4 qu'il va y avoir des schémas et que je vais essayer de les décrire au mieux pour nos auditeurs non-voyants. Par contre, je vais les reproduire à l'image. Je vais lire l'édition du Chien Rouge qui a été publiée en 2008, la maison d'édition du journal CQFD. Et, par contre, je ne vais pas lire l'avant-propos du traducteur, qui est James Guillaume, qui est un anarchiste suisse, qui a publié aux éditions Stock en 1910, pour la première fois ce texte, qui est donc tombé dans le domaine public. Également, je ne vais pas vous lire l'annexe qui est dans cette édition, qui est la correspondance entre Marx et Carlo Cafiero, qui est une correspondance postérieure à l'édition du livre. Notez aussi que je vais très rarement lire les citations en bas de page, qui n'apportent en général pas grand-chose, ou parfois je les intégrerai de façon organique. Il est aussi à noter que le style de la traduction de James Guillaume est assez ampoulé et assez daté, ce qui peut poser des problèmes de compréhension. Donc je vous invite à réécouter tant de fois que vous le voudrez ces enregistrements et également à vous fournir ce livre qui n'a pas été souvent édité. Si j'avais un autre commentaire à faire sur le texte lui-même, c'est aussi une trop grande abondance d'exemples et parfois de mise en situation très datée. Il va sans dire que le Capital de Marx est un livre essentiel pour comprendre notre époque et que cet abrégé, qui a été d'ailleurs approuvé par Karl Marx, est une bonne porte d'entrée à la lecture économique des rapports sociaux. Il est donc temps de commencer ma lecture. Bonne écoute. Préface. Italie, mars 1878. Un profond sentiment de tristesse m'a saisi en étudiant le Capital, à la pensée que ce livre était, et resterait qui sait combien de temps encore, complètement inconnu en Italie. Mais s'il en est ainsi, me suis-je dit ensuite, cela veut dire que mon devoir est justement de m'employer de toutes mes forces à ce qu'il n'en soit plus ainsi. Et que faire? Une traduction? Ah mais non, cela ne servirait à rien. Ceux qui sont en état de comprendre l'œuvre de Marx telle qu'il l'a écrite connaissent certainement le français et peuvent recourir à la belle traduction de J. Roy, entièrement revue par l'auteur, qu'il a déclaré digne d'être consulté, même de ceux qui connaissent la langue allemande. C'est pour une toute autre sorte de gens que je dois travailler. Il se divise en trois catégories. La première se compose de travailleurs ayant l'intelligence et un certain degré d'instruction. La seconde, de jeunes gens sortis de la bourgeoisie, qui ont épousé la cause du travail, mais qui ne possèdent néanmoins ni le bagage d'études, ni un développement intellectuel suffisant pour comprendre le Capital dans son texte original. La troisième enfin, de cette jeunesse des écoles, au cœur vierge encore, qui peut se comparer à une belle pépinière de plants encore tendres, mais qui donneront les meilleurs fruits s'ils sont transplantés en terrain propice. Mon travail doit donc être un abrégé facile et court du livre de Marx. Ce livre présente la vérité nouvelle qui démolit, met en pièces et disperse au vent tout un séculaire édifice d'erreurs et de mensonges. Il est toute une guerre. Une guerre glorieuse en raison de la puissance de l'ennemi et de la puissance plus grande encore du capitaine qui l'a entreprise avec une si grande quantité d'armes toutes neuves, d'instruments et de machines de toutes sortes que son génie a su extraire de toutes les sciences modernes. De beaucoup plus restreint et modeste est ma tâche. Je dois seulement guider une troupe d'adeptes empressés par le chemin le plus facile et le plus sûr au temple du Capital, et là démolir ce dieu, pour que tous puissent voir de leurs yeux et toucher de leurs mains les éléments dont ils se composent, et arracher les vêtements de ces prêtres, afin que tous puissent voir les taches de sang humain qui le souillent, les armes cruelles avec lesquelles il immole chaque jour un nombre sans cesse croissant de victimes. C'est avec ce dessein que je me mets à l'œuvre. Puisse cependant Marx remplir sa promesse en nous donnant le second volume du Capital qui traitera de la circulation du Capital, livre 2, et des formes diverses qu'il revêt dans le cours de son développement, livre 3. ainsi que le troisième et le dernier volume qui exposera, livre 4, l'histoire de la théorie. Ce premier livre du Capital, écrit originellement en allemand et traduit ensuite en russe et en français, est maintenant brièvement résumé en italien, dans l'intérêt de la cause du travail. Que les travailleurs le lisent et le méditent attentivement, car il ne contient pas seulement l'histoire du développement de la production capitaliste, mais aussi la martyrologie du travailleur. Et, en finissant, je ferai aussi appel à une classe qui est autrement intéressée dans le fait de l'accumulation capitaliste, à la classe des petits propriétaires. Comment se fait-il que cette classe, naguère si nombreuse en Italie, aille aujourd'hui en diminuant toujours davantage? La raison en est très simple, c'est qu'à partir de 1860, l'Italie s'est mise à parcourir d'une allure plus accélérée le chemin que doivent nécessairement parcourir toutes les nations modernes. Le chemin qui mène à l'accumulation capitaliste, laquelle a atteint en Angleterre cette forme classique qu'elle tend à atteindre en Italie comme dans tous les autres pays modernes. Que les petits propriétaires méditent sur les pages de l'histoire d'Angleterre apportées dans ce livre, qu'ils méditent sur l'accumulation capitaliste accrue en Italie par les usurpations des grands propriétaires et par la liquidation des biens ecclésiastiques et des biens dominaux, qu'ils secouent la torpeur qui pèse sur leurs esprits et sur leurs cœurs, et se persuadent une bonne fois que leur cause est la cause des travailleurs, car ils seront tous inévitablement réduits par l'accumulation du capitalisme moderne à cette triste alternative. Ou se vendre au gouvernement pour avoir du pain, ou disparaître à toujours dans les rangs épais du prolétariat. Carlo Caffiero.